Contes et légendes de la Seine-Maritime, Étretat. La rivière disparut. Il paraît qu'anciennement, une rivière arrosait la vallée et le village d'Étretat. Mais depuis 200 ans environ, elle a disparu, s'est frayée un cours souterrain et verse ses eaux dans les galets. C'est là qu'à mer basse, les femmes viennent creuser des réservoirs pour laver leur linge. Une légende explique la disparition de ce cours d'eau. Un soir, une bohémienne, son enfant sur le dos, frappait à la porte d'un moulin que faisait marcher la rivière. Le meunier, homme dur et cruel, lui refuse l'hospitalité qu'elle implore. « Malheureux, lui dit la fée, tu t'en repentiras. » Le lendemain, le moulin était arrêté, car la rivière n'existait plus. Malte Brun, La Seine inférieure, 1880. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.